commence à manquer d'elle. Avant de plonger sous terre ou de se noyer dans un verre d'eau, à qui tu donnes ton cœur ouvert, ça sera.